Le porte-parole du Comité pour la réunification pacifique de la patrie a répondu le 29 aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée en ce qui concerne les propos téméraires lancés par les autorités sud-coréennes à l'Assemblée générale de l'ONU, calomniant le prestige international de notre République. En voici le résumé. Yoon Byung-se, ministre sud-coréen des Affaires étrangères, a dit le 22 dernier, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, que le Nord viole systématiquement la résolution de l'ONU et qu'il faut donc prendre en considération sa qualité de membre de l'ONU. Ces paroles sont d'une absurdité insensée venant du désespoir et du sentiment de la défaite, impossible d'empêcher notre renforcement des armements nucléaires par les sanctions et pressions. C'est donc la reconnaissance devant le monde entier de l'échec complet des menées de sanctions et de pressions que le pouvoir de Park Geun-hye a poursuivi scélératement avec le suzerain américain, et cela montre nettement que les gouvernants sud-coréens sont dans l'impasse et les difficultés irrémédiables. La Corée du Sud ne met en cause sous prétexte de violation de la résolution et d'insultes de l'ONU, mais les États-Unis et leurs suivistes, notamment le pouvoir traître de Park Geun-hye, sont les vrais violateurs grossiers de la charte de l'ONU. Les États-Unis et la Corée du Sud livrent chaque année les exercices de guerre nucléaire d'envergure contre notre République et introduisent dans la péninsule coréenne et ses environs les moyens de frappe nucléaire stratégique pour ne menacer sans discontinuer et amener les dangers de la guerre nucléaire. Ils sont les coupables qui se moquent ouvertement des principes fondamentaux de la charte de l'ONU sur la paix et la sécurité mondiale et insultent l'ONU. Ni la charte de l'ONU ni les droits internationaux mettent en cause ou définissent illégaux l'essai nucléaire et le lancement de fusées balistiques d'un État souverain. D'autant plus, nous n'avons jamais reconnu la résolution anti-nord-coréenne de nature banditiste que les États-Unis et leurs alliés ont fabriquée en abusant du nom de l'ONU. C'est pour cette raison que même au sein de la Corée du Sud, on critique et se moque des paroles insensées de Yoon Byung-se, qui ne connaît que la diplomatie de quémande propre aux valets de la Maison Bleue, en disant que c'est une baliverne ignorante, basse et suicidaire. Plus le pouvoir traître s'emporte insensément, plus le prestige stratégique de notre République, digne puissance nucléaire de l'Orient, s'élève remarquablement et nul ne peut l'empêcher.